plusieurs zéros en banque. Le gros magot, les lingots. Tout est beau, tout est chaud. Les billets sont frais, tout est concret. On est prêt, armés et dangereux. Le feu dans les yeux, tirant des balles dans les cieux. Plusieurs kilos en vente, plusieurs zéros en banque. Le gros magot, les lingots. Tout est beau, tout est chaud. Les billets sont frais, tout est concret. On est prêt, armés et dangereux. Le feu dans les yeux, tirant des balles dans les cieux. Mon ascension n'est pas qu'un simple feu de broussailles. Je suis sans faille, mitraille tous ceux qui oseront jouer avec le feu. Je suis armé et dangereux, regardez mes yeux. Fini les larmes, fini les temps pluvieux. Je porte l'arme et je sais ce que je veux. Je combine le rap et le crime. Lorsque je tire, j'assure comme marketing. Je représente les transactions maritimes. Même sous écoute, je réussis mes opérations. Importons l'importante quantité de cocaïne. Distribuons de l'héroïne à profusion. Pour un effet sublime, le choix ne manque pas. On pourrait faire un film sur moi. Explicite comme ça se peut pas. Réaliste et sans aucun effet spéciaux. J'ai été conçu pour la rue. Je crée un imbroglio pour tous ces faux guerriers. Je suis l'authenticité en personne. Mon style magnifique est inépuisable. Réalité palpable. Mes frappes dynamiques t'envoient dans les câbles. Mes lyriques sataniques inlassables. Plusieurs kilos en vente, plusieurs zéros en banque. Le gros magot, les lingots. Tout est beau, tout est chaud. Les billets sont frais, tout est concret. On est prêt, armés et dangereux. Le feu dans les yeux, tirant des balles dans les cieux. Je suis ton pusher, le nègre au caractère de guerre. Vivant en enfer, chaque jour c'est la même misère. Un toast, buvant une bière pour mes frères sous terre. Mes désirs sont comme thriller, toujours armé du Ruger. Tout ce qui me consacre c'est mon beurre. Je suis gangster, fier comme un empereur. Aucune sueur dégoûte lorsque je fais mes transactions majeures. Vous faites partie des ligues mineures, à l'extérieur j'ai l'amateur. Mon réseau est à l'intérieur, aucune peur, je sème la terreur. Dépose des fleurs lorsque vous tombez ses pieds sous terre. Poussière, tu retourneras poussière. Aucune parole en l'air, je t'attaque, je te braque, je t'éclate. Je te fais voir c'est quoi l'Irak. Le Yasser Arafat du rap, la Palestine, le crime. Merde pour ton rap, je te fais voir la réalité. La pureté de mon crack, tu craques, c'est l'ecstasy. Plus important en extase, mes kilos en vente, mes zéros en banque. Tout est beau, tout est chaud, les billets sont frais, tout est concret. Quoi, je suis sérieux. Plusieurs kilos en vente, plusieurs zéros en banque. Le gros magot, les lingots. Tout est beau, tout est chaud, les billets sont frais, tout est concret. On est prêt, armés et dangereux. Le feu dans les yeux, tirant des balles dans les cieux. Plusieurs kilos en vente, plusieurs zéros en banque. Le gros magot, les lingots. Tout est beau, tout est chaud, les billets sont frais, tout est concret. On est prêt, armés et dangereux. Le feu dans les yeux, tirant des balles dans les cieux.